Allez mon vieux, laisse tomber tes conneries. On est comme on est. À moins d'être méchant, aucun défaut n'est important. Et l'on n'a jamais qu'une seule vie. Pour faire la fête, tu peux toujours m'appeler, mais pas pour voter. Je n'ai pas mis les pieds dans une église depuis 100 ans, et j'ai oublié les 10 commandements. Pourtant, ne t'en fais pas, pas trop pour toi, puisqu'on ira tous au paradis. Les fous, les ivrognes, les saints, les charognes, c'est Paul Naref qui l'a dit. Dieu me pardonne si j'ai pour toute famille quelques jolies filles. Si j'aime trop l'amour et vis la nuit et dors le jour, si j'aime le scandale et la folie, et si je bois beaucoup plus que je n'ai soif, c'est qu'il y a toujours un ami qui revient, un autre qui a du chagrin. Alors cesse de jouer les paroissiens et viens. Ne t'en fais pas, pas trop pour toi, puisqu'on ira tous au paradis. Ne joue pas à l'apôtre, saute, vas-y, saute par-dessus les interdits. Ne t'en fais pas, pas trop pour moi, puisqu'on ira tous au paradis. Les fous, les ivrognes, les saints, les charognes, c'est Paul Naref qui l'a dit.